dit, on va être des docteurs Frankenstein. Il n'y a personne qui empêche le docteur Frankenstein de réanimer des cadavres, mais ça reste des cadavres. Il ne peut pas créer du vivant en étudiant la mort. De la même façon qu'on essaie de comprendre la vie à travers notre mémoire morte. Ça fait qu'est-ce qui va empêcher l'être humain? C'est des lois Oui. cosmiques d'intégration de principes qui nous échappent. On ne maîtrisera jamais le vivant. On va bricoler avec. Un peu comme un pervers qui découperait des images dans des magazines pour essayer de se créer des affaires fantasmées. Puis ça va tout le temps être irréaliste, puis ça va tout le temps aboutir à de la merde. Tant qu'il n'y aura pas de respect pour le vivant, pour que tu intègres un niveau en tant que science intégrale, cosmique, faut que tu aies une capacité de voir. Donc, le respect, il vient de la vue. Il vient pas d'une notion inculquée de devoir. Il vient d'un ressenti réel, puis d'une vue réelle, de ce qu'on pourrait appeler la sacralité de la vie, mais c'est au-delà des notions spirituelles de sacré. Si on respecte pas la vie, on va servir la mort. Puis on va faire du vivant mort, puis c'est involutif, puis tout ce qui fonctionne en circuit totalement fermé, c'est comme les lois de la thermodynamique, ça perd de l'énergie. C'est mortifère, ça peut pas être viable, ça va contre les lois de la vie. Si on va contre les lois de la vie, on peut pas intégrer la vie. Non, c'est ça, puis on C'est va dans le réel. sens des lois de la mort. Ben oui. Fait qu'on se fait désintégrer par la mort pour après recréer un autre plus perfectionné un petit peu, puis on est obligé d'évoluer par la répétition dans l'erreur.